On a marché dans l'obscurité, braquage de soleil. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on veut ton oseille. Prise de notre dédié, tu connais les faits. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on veut ton CP. Mon million me manque, roule dans un tanka. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on veut la banca. Rame une malle pour l'eau, tu crois être solo. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on veut ton roro. Sors pas d'un taurodi, check si t'es maudit. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on veut ton Audi. On voit tout ce que t'as à masse, je veux ton bala. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, frère, tu vas ralasse. Délo, Ibis, il se prend pour Ibis. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, y'a pas de possibilité. Plus qu'on a les ténors, et tout le monde aime la somme. Va à l'heure, je porte ta mère, pas de somme. L'homme meuf stressé, boîte meuf stressée. Tout le bébé, je suis pas fait, on se fait faire carcassonne. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on veut du genre. Yeah!